Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons revenir sur le thème des changements climatiques dont on a souvent parlé dernièrement. Alors on le sait, il faut limiter la hausse de la température à 2 degrés. Mais au fait, pourquoi 2 degrés? Ça vient d'où ce 2 degrés? Alors on en parle avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et ça va peut-être t'étonner, mais le premier qui a avancé la cible de 2 degrés dans la lutte des changements climatiques, et ce n'était pas un climatologue, c'était un économiste. Ben ça, c'est vraiment surprenant quand même. Parce que l'économiste, c'est assez loin un peu ouais. De la climatologie. C'est pas les premiers à vouloir agir dans ce sens-là. Pas tout à fait, on fait pas le lien très rapidement. Ouais. Mais ce chiffre magique était sur toutes les lèvres à la conférence de Paris qui s'est déroulée la semaine dernière. Et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, c'est devenu la cible à atteindre. Au-delà du 2 degrés, selon l'estimation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, on pourrait assister à des conséquences désastreuses, comme par exemple la fonte de la banquise arctique et la fameuse hausse du niveau des mers. Mm-hmm. Alors, effectivement, ça c'est ce qu'on entend souvent, mais en fait, pour revenir donc à ce 2 degrés, comment est né cette objectif de stabilisation du climat à 2 degrés. Et comment ce chiffre bien précis a-t-il fini par guider des politiques mondiales en matière de changement climatique? Mais pour répondre à ta première question, il faut comprendre l'historique du 2 degrés. Comme mentionné en début de chronique, la première surprise, c'est que cette cible ne provient pas d'un climatologue, ni d'un spécialiste des changements climatiques, mais d'un économiste américain. C'est dans les années 70, un économiste américain qui s'appelle Nordhaus, il a affirmé dans ses travaux qu'un réchauffement planétaire de plus de 2 degrés Celsius, ça bouleverserait les conditions de la vie sur Terre telles qu'on la connaît, que l'humain les a toujours connues, en fait. Et ensuite, dans les années 90, l'idée de contenir la hausse des températures en dessous des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ça a migré peu à peu dans la sphère politique. Et finalement, c'est l'Union européenne qui l'a proposé en 1996. Et si l'objectif de 2 degrés n'a pas été au cœur du protocole de Kyoto, qui a été conclu en 1997, c'est revenu dans les discussions autour de l'accord de Copenhague en 2009, beaucoup plus tard. Et ce dernier s'est toutefois soldé par un échec, malheureusement, on s'en souviendra. C'est finalement à la conférence de Cancun en 2010, beaucoup d'années plus tard, que la cible de 2 degrés a vraiment été adoptée. Mais alors, finalement, cette cible de 2 degrés, c'est une cible scientifique ou politique? C'est avant tout une décision politique qui a été prise par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, ça a quand même un lien avec, par des experts sur le climat. C'est fondé sur des travaux scientifiques du GIEC, le groupe dont je vous parlais au début, qui présente différents scénarios d'évolution du climat d'ici à la fin du siècle. Donc, il y a un fondement scientifique sur ces deux-là. Même si c'est une décision politique, ils ne l'ont pas choisi au hasard. Non, tout à fait. La Convention des Nations unies organise les sommets sur le climat, par exemple celui de Paris en 2015. C'est toujours les Nations unies, en fait, qui organisent ces sommets-là et tentent de fixer les objectifs de stabilisation du climat et aussi de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment leur rôle principal. Et le chiffre de 2 degrés, on en parle depuis 2003. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif a d'abord été proposé par l'Union européenne et c'est revenu par la suite à la conférence de Bali en 2007. Puis là, ça a été mentionné à Copenhague en 2009. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a seulement été adopté en 2010 au sommet de Cancun. Mais ça reste un objectif politique, si on peut dire, là, au sens noble du terme. C'est vraiment. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, finalement, si c'est un objectif politique, pourquoi avoir choisi une cible en degrés Celsius? La réponse est quand même assez simple, tu vas voir. C'est que d'abord, les degrés Celsius, c'est un symbole fort. C'est facile à comprendre pour tout le monde quand on parle de climat. Et le lien entre le climat et les températures, là, c'est assez direct. Donc, quand on parle de degrés Celsius, dans le fond, tout le monde sait de quoi on parle. C'est une mesure qui est beaucoup plus compréhensible par le public et par les décideurs que si je te parle des PPM, les particules par million, pour les gaz à effet de serre, c'est un peu plus compliqué et un peu plus flou dans la tête des gens. Ça nous parle pas vraiment, combien de PPM de CO2 sont dans l'atmosphère. On peut pas du tout, c'est pas concret. Les degrés, on le ressent, la chaleur, tandis que les parties par million, c'est très abstrait. Et ces termes-là sont employés pour mesurer la proportion des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ça rejoint moins un peu monsieur et madame tout le monde, si on peut dire. Et avec une telle hausse limitée des températures, on espère possible de s'adapter au réchauffement climatique. Et si la hausse atteint les 4 degrés d'ici la fin du siècle, le réchauffement aura de lourdes conséquences. Et là, présentement, là, les voyants lumineux là, sont vraiment tout rouge. Avec 2 degrés, les océans vont quand même faire face à une acidification très accrue qui va affecter la majorité des coraux. Et la montée du niveau des mers va atteindre de 40 à 50 cm quand même par endroit. Et ça va se faire progressivement. Ça va nous laisser un peu plus de temps pour nous adapter que si c'était une hausse à 4 degrés. Mais on a quand même des conséquences très négatives avec 2 degrés. Donc, on comprend les degrés Celsius qui sont plus parlants que les ppm. Maintenant, pourquoi pas, disons, 1,5 degré? Après tout, il y avait quand même un rapport d'experts de l'ONU qui l'a rappelé en juin dernier, en pleine négociation climatique à Bonn. Des risques élevés sont projetés même pour un réchauffement supérieur à 1,5 degré. Donc, pourquoi 2? Ben, tu as tout à fait raison. Pourquoi on utilise 2 et non pas 1,5? Ben, en fait, c'est qu'il faut voir les 2 degrés Celsius pas comme un objectif à atteindre, mais plutôt comme une ligne de défense dont il faut s'éloigner le plus possible. Ah, ouais. Donc, un mur qu'il faut éviter de frapper, en fait. Ouais. C'est mal parti. Ouais. Donc, on en est où de cet objectif de stabiliser le climat à 2 degrés, à une augmentation de 2 degrés? Ben, depuis le début de l'ère industrielle, les températures moyennes ont augmenté de 0,6 degrés Celsius. Bon. Donc, on se dit, ben, il nous reste 1,5 degré si on regarde les températures. Mais si on regarde les quantités de gaz à effet de serre émises, il nous reste de 25 à 30 années d'émissions de gaz carbonique au niveau actuel. Ça, c'est le plus haut jamais enregistré dans l'histoire humaine. Mais ça signifie qu'on a déjà émis le 2/3 de notre capital en gaz à effet de serre pour stabiliser le climat à 2 degrés, toujours. C'est pas un objectif aisé parce que les réserves d'énergie fossile sont pas encore exploitées. Pour te donner une idée, ça contient encore 5 000 milliards de tonnes de CO2. Et pour rester sous la barre des 2 degrés, il faudrait pas en consommer et en rejeter plus de 1 000 milliards de tonnes. Ah oui. Donc, il y a un potentiel pour largement dépasser ce ça va être un vrai défi de se limiter parce qu'il y a toujours des réserves non exploitées qu'on découvre encore. Et ça implique de changer nos modèles de développement. Et c'est là tout l'enjeu des négociations sur le climat. Mais de plus, s'il fallait une autre raison pour s'intéresser au changement climatique, je vais t'en donner une autre, ben selon l'Organisation mondiale de la santé, le réchauffement climatique va avoir une incidence assez majeure sur notre santé parce qu'ils vont affecter l'air, l'eau potable, la production de nourriture et même l'accès au logement. L'OMS prévoit que l'accès à l'eau douce va être perturbé par un accroissement des périodes de sécheresse. Et ce manque d'eau salubre pourrait compromettre l'hygiène et accroître les risques de diverses maladies. Et si la sécheresse devient extrême, la famine frappe et l'agriculture devient plus possible. Donc, c'est comme un effet domino. Puis à l'inverse, les inondations vont être aussi plus fréquentes. Et elles peuvent contaminer aussi les sources d'eau potable. Donc, ça augmente les risques de contracter une maladie transmise par l'eau insalubre. Ouais. Donc, tout est comme interrelié. Là. Puis, j'imagine qu'il n'y a pas que la qualité d'eau qui est menacée par les changements climatiques. Comme tu le dis, tout est interrelié. Oui, non, pas du tout. Il y a l'air aussi. La ville de Pékin, en Chine, pour te donner un exemple, récemment, elle étouffait sous un immense smog qui a duré plusieurs jours. Ils ont même, je pense, déclenché l'alerte orange ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez majeur. Mais on a vu aussi des photos qui circulaient, des gens qui portaient des masques à gaz et puis des masques médicinales, tout ça. Puis, ça n'avait pas l'air d'être agréable de se promener dehors. Mais on sait tous que les composants toxiques de l'air vont augmenter aussi avec les changements climatiques. L'ozone et plein d'autres polluants aussi qui vont affecter la santé respiratoire. Et ça aussi, ça a encore un autre effet. Ça a un effet sur la santé du cœur. Parce qu'en cette période de smog, on observe une hausse des infarctus. C'est arrivé assez souvent, on en a la preuve, on le sait. Mais on espère en fait que l'accord qui a été conclu à Paris la semaine dernière finisse par être enfin un accord qui va être efficace. Et là, parce que le temps presse pour ralentir la tendance. Là. Ben, pour ce qui est de la renverser, par contre, là, je pense qu'il est peut-être déjà trop tard. Là, mais oui, peut-être juste arrêter un train à pleine vitesse, c'est difficile, mais on peut peut-être un peu le ralentir. Oui. Mais le problème, c'est qu'avec l'essence pas chère, ben, les ventes de VUS ont augmenté. Alors, j'ai pas l'impression qu'on soit sur le bon chemin. Non, puis si ça continue comme ça, ben là, si l'essence est pas chère, on achète plus, on pollue plus. Voilà. On recommence à zéro. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Donc, on se revoit l'année prochaine, bien sûr. Oui, en 2016. Alors, bonne fête de fin d'année à toi. Merci, toi aussi. On part en musique sur CKRL et on vous revient avec les modifications génétiques chez l'espèce humaine.